Ok, ça va. On est prêt ici. On peut procéder à l'éjection. Tu sais que tu es chez toi ici. Soviet Boy? Je... Tu ne vas pas déjà t'en aller et me laisser toute seule. Tu sais très bien que tu ne tiens pas tant que ça au lieu de te dire si. C'est vrai, qu'est-ce qui te retient là-bas? Je sais pas. Tu sais, ici, tu peux réaliser tes rêves. Tous tes rêves. Comment on fait déjà pour... Tu peux vivre conformément à tes principes. Mange bien que vous. Toi, par exemple, tu as soif d'absolu. Si tu le trouveras, il t'attend. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. I wake en mode veille. Monsieur Delphine, vous m'entendez? Monsieur Delphine, je prépare le respirateur. Monsieur Delphine, vous êtes avec nous maintenant. Voilà. Monsieur Delphine? J'ai fait un songe bien curieux. Il est réveillé. Yes! Yes! Bravo, monsieur Delforge. Vous avez passé le test. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Il sera aussi connu que celui de Xiang, le premier homme à avoir marché sur Mars. Comme promis votre salaire, monsieur Delforge, je le vire maintenant sur votre compte. Voilà. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, nous vous offrons un CDI. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez pas connaître, vous êtes trop jeune. Vous verrez. On vous expliquera. C'est très avantageux. Revenez demain matin. Pour le grand voyage. Le voyage en rêve profond. Trouver et ramener Lopez. Monsieur Delforge? Besoin d'air. Monsieur Delforge, on se voit demain matin? Besoin d'air, besoin de temps. C'est une occasion en or. 24 heures. Donnez-moi 24 heures. Besoin de réfléchir. Ok, très bien. 24 heures, monsieur Delforge. Rendez-vous donc après demain matin. C'est vrai, ce monde, est-ce que j'y tiens tellement? Qu'est-ce qui me retient ici? L'idée de manger un bon burger, peut-être. La nuit est déjà tombée, il doit être tard. Téléphone allumé. Ah, rien ne va m'attendre. Allô, Gérard? Ce matin? Mais attends, il est quelle heure? 7h du matin, tu débarques ou quoi? Putain, c'est pas vrai, j'ai passé la nuit ici, moi. Putain, si je sais pas où t'es, ce que tu fous. Mais tu te souviens que tu m'as déjà planté hier? Ouais, je sais, j'aurais dû te prévenir, mais... Bah, tu comptais sur toi ce matin ou pas? Non, ce matin, c'est pas possible. Mais moi, je te reconnais plus. D'habitude, c'est toi qui pousse pour bosser, qu'est-ce qui se passe? T'as remboursé tous tes crédits? T'as gagné au loto ou quoi? Non. Faut que je t'explique. Non, y a pas le temps là. Tout ce que je veux savoir, c'est si ça vaut la peine que je t'appelle cette semaine ou pas. Pour bosser? Non. Mais on peut se voir pour boire un verre si tu veux. Ce soir par exemple. Si je sais pas, toi t'as peut-être changé de galaxie, mais moi le soir je bosse. Bon allez, je te laisse. Il y a un job sur métal qui est en train de me passer sous le nez. Vous avez 5 nouveaux messages. 2. Ariane. Et merde. Pour écouter le premier message, tapez 1. Ta mère a appelé. Elle a dit que c'était important. Et il y a des gens qui sont passés pour toi. Ça. Des espèces de témoins de Jéhovah. Ils ont dit qu'ils te connaissaient. Ils ont laissé un collier à l'appart. J'espère que c'est pas un coup de mon père. Qu'est-ce que je vous sers? Vous servez pas de l'onglet, je suppose. Non, monsieur, c'est un restaurant éthique ici. Alors, le plat du jour, s'il vous plaît, et un verre de blanc. Ou tu veux qu'on prenne un pichet? Non, je... juste un Perrier. J'ai un Tupperware qui m'attend au bureau. Vous avez pensé à tout de suite. Je te demande pas où t'as passé la nuit? Non. Mais c'est pas ce que tu crois. Bien sûr. Et c'est quoi, alors? Ok. Je vais te le dire. J'ai trouvé un boulot de nuit. Des sortes de tests pharmaceutiques, une boîte japonaise. C'est bien payé. 20 fois ce que je gagne d'habitude. Si c'est si bien payé, j'imagine que ça doit être dangereux. C'est quoi comme produit? Je peux pas te le dire. J'ai signé une clause de confidentialité. Évidemment. Le Perrier pour madame. Voilà, je vous apporte la suite. Merci. Sismo, je veux pas savoir tout ce que tu fais, mais... fais gaffe à pas faire un truc que tu pourrais regretter plus tard. Tu sais, y a pas grand-chose que je pourrais regretter dans ce monde. À part toi. Qu'est-ce que tu dis? Et en fait, c'est plutôt excitant. Enfin, c'est sûr que je suis dégoûté de travailler pour Big Pharma, mais en même temps... si ça marche, on pourra peut-être sauver des vies. Mais si ça marche pas? Si ça marche pas, je touche le pognon, c'est tout. Tiens, regarde. Ils ont viré ça sur mon compte. Rien que pour la journée d'hier. C'est pas mal. Tu veux pas qu'on aille à la mer? Là, maintenant, toi et moi. Là, on prend le train. Là. On va à l'hôtel. On mange, on va au resto. Non, ça va être la fin de ma pause, là. Faut que j'y retourne. Mais je suis sûr que ta chef, elle dira rien. Tu bosses bien, c'est son meilleur élément. C'est ce mot. Si m'entretiens ne serait-ce qu'une journée, j'aurais vraiment l'impression d'être ma mère, et ça me fait pas du tout rêver. Ariane, j'ai besoin d'être avec toi, là. Je te vois ce soir. Travaille bien. Allô, Silvio? Ça va, mon pote? Je me disais, on pourrait peut-être aller prendre un verre ce soir, ça te dit? Ok. Ok, je comprends. Pas de problème. À une prochaine fois. Ciao. Boulot, tu prends le boulot. C'est quoi ça? Ah bah c'est le paquet des témoins de Jéhovah. Non, c'est pas les témoins de Jéhovah. Assemblée de l'accord des deux mondes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez été choisi par Dieu. Oh là là. Toujours les mêmes salades. Allô, maman? Simon, c'est bien que t'appelles. Ariane m'a dit que c'était important. Tu devrais aller voir ton père. Attends, c'est pour ça que tu m'as appelé? C'est lui qui a demandé? Il en a peut-être plus pour très longtemps, tu sais. Tu m'as déjà dit ça il y a 6 mois. Les types de votre communauté, là, ils seront là? Les frères? C'est possible, tu sais, ils nous aident beaucoup en ce moment. Et papa? Il est comment? Si je viens, il va encore me bassiner avec la conversion et tout ça? Tu sais bien comment il est. Alors c'est non. Si t'es pas obligé d'écouter tout ce que te dit ton père, tu peux faire semblant, tu hoches la tête. Ce qui compte, c'est que tu sois là. C'est son salut qui se joue. Ok, donc là, si tu m'as appelé, en gros, c'est pour m'acheter son salut, c'est ça? Je sais que vous ne vous entendez pas toujours très bien, mais... ce serait bien que tu vois ton père une dernière fois, que tu lui pardonnes. Une dernière fois. Et lui, il m'a pardonné? Bien sûr qu'il t'a pardonné. Alors pourquoi à chaque fois que j'entends ce mot dans sa bouche, j'ai l'impression qu'il dit juste le contraire? Que je suis un pauvre con? Que je décevrai toujours? Alors que mon frère, lui, pourquoi j'ai l'impression que c'est son autre fils qui aurait dû mourir dans cet accident de voiture? Sismo, s'il te plaît. Ton père t'aime, tu sais. Avec toute la bonne volonté du monde, maman, je peux pas. Je suis désolé, mais... si c'est encore pour qu'il essaye de me faire culpabiliser, c'est non. Maman? La maison qu'on louait à Saint-Martin quand on était gosse, c'était quel Saint-Martin déjà ? Saint-Martin en rose ou Saint-Martin-sur-Mer ? Vous êtes arrivé à Saint-Martin-sur-Mer. Terminus de ce train. Excusez-moi. Il n'y avait pas un port ici avant, avec une petite plage à côté. Je suis désolé, je peux pas du tout vous aider là. Vous voulez parler de l'ancien port ? Oui. Vous voyez la jetée là ? Vous avancez dessus sur 50 mètres. Vous voulez dire que... 10 mètres de fond, oui. C'est là qu'il est, le port de Saint-Martin, depuis la montée des eaux. Vous avez intérêt à prendre vos bouteilles et vos palmes. Absolument que j'appelle. Appelez Harry. Salut, salut. Ah. Je suis sur le répondeur d'Harry. J'espère que tu es en forme. Laisse-moi un message et je te rappelle. Ciao, bonne journée. Salut, Harry. J'ai eu peur à un moment donné que le répondeur marche plus. Ça fait quoi maintenant ? 9 ans, je crois. Hein. Et je t'appelle parce que tu sais quoi ? Je suis à Saint-Martin, là. Bon, il n'y a plus notre plage, tu sais. Mais là, en longeant le front de mer, tu sais sur quoi j'ai marché ? Une boîte de salade de thon saut piqué. Ouais. En fait, on doit être au niveau de l'ancien supermarché. Et je me demande si c'est pas les lignes des places de parking que je vois au fond de l'eau. Tu te souviens comment on a pu jouer ici ? C'était notre quartier général. Non, vide la boîte. Oh, tu parles, attends, sinon je serais millionnaire. Tu sais quoi ? J'ai complètement oublié quel goût ça avait le thon. On en bouffait plein, non ? Quand les parents partaient la journée à la... Appelez Harry. Salut, salut, t'es bien sur le répondeur d'Harry City. J'espère que t'es en forme. Laisse-moi un message et je te rappelle. Ciao, bonne journée. Ouais, je disais... Tu sais, quand je t'appelle, c'est que j'ai un conseil à te demander. Je voulais ton avis. Ariane, c'est la femme de ma vie ou pas ? On aura des enfants. Et je vais pas flipper à rester toute ma vie avec elle. On aura des choses à se dire quand on sera vieux. J'ai toujours eu envie de faire un grand truc dans ma vie. Et je joue pas mal du ukulélé, mais je sais pas si c'est ça. Vous venez de poster une annonce sur Meta. Partagez avec Gérald. Allô Gérald ? Ouais, ça va ? Écoute, là, je viens d'être nommé chef de projet sur un boulot pour ce soir. Ça a l'air plutôt peinard et bien payé. Je viens de t'envoyer l'annonce. Alors, ça le fait ? Super. Alors, rendez-vous au bon vieux temps. Tu préviens Silvio ? Salut Gérald, ils font un barbecue sur leur toit, une nana en train de bronzer. Salut, ça va ? Ça va ? Tu t'es mis au parapente ou quoi ? Salut Silvio ! Ça va ? Laisse tomber, conversation de mec, tu peux pas piger. Pourquoi je peux pas piger ? Je suis pas un homme des cavernes. Allez, apportez-moi vos lumières. Gérald s'est acheté des ailes sur Dream Station. Quoi ? Des ailes. Attends, on peut acheter des trucs sur Dream Station ? Je comprendrais pas. Mais oui, ton super-héros, il a les options de base. Puis après, si tu veux évoluer, tu mets la main à la poche et tu peux acheter des ailes, tu peux acheter une perche à selfie. Une perche à selfie ? Tu te fous de ma gueule ? Mais non, sinon comment tu fais pour poster des photos de toi en super-héros sur les réseaux sociaux ? Comment tu fais ce boulot alors ? S'il vous plaît ? Oui. C'est pas compliqué, on est l'équipe de renfort, c'est de la manutention. Le mec m'a pas expliqué le détail, mais des trucs à décharger. En gros, soit on nous appelle, soit on nous appelle pas et on est payé à boire des bières. Oh. Un demi, s'il vous plaît. Un demi. Elle est pas belle la vie ? Ouais, j'espère qu'il appellera pas ton type. Parce que moi, ça fait bien longtemps que je me suis pas fait une bonne soirée entre potes. Santé, les gars. Santé. Si, je sais pas, moi, genre une multinationale qui vend des pesticides te propose un job super bien payé. Tu le fais ou pas? Jamais de la vie je bosserai pour ces salauds. Mais si, attends, faut le noyauter le système. Tu fais le boulot, mais en même temps, tu fais lire Marx au gars, tu vois. Tu sapes le truc de l'intérieur, quoi. Bon, tu crois qu'il a fait, le gars de NSA Helix? Pendant 10 ans, il était employé modèle, jusqu'au jour où il a décidé de changer. Attends, donc là, tu es en train de me dire que, qu'en fait, si tu bosses chez McDo depuis 10 ans, c'est un choix politique, c'est ça? En fait, tu prépares la révolution, mais tu n'as rien dit à personne. Mais non, mais attends, là, tu généralises, tu généralises. En tout cas, c'était cool, ton job. Hein. Je sais pas qui c'était, ton mystérieux employeur, mais appelle-nous plus souvent. Ah, franchement, Sismo, il faudrait qu'on se fasse ça plus souvent. Allez, ciao, Silvio. Ciao, Sismo. Allez, salut, vieux. À la prochaine. Rentrez bien, les gars. Ouais. Et pas de conneries, hein. Job achevé. Payé contrat de Gérald et Silvio. Paiement effectué. J'ai rendez-vous ce matin. C'est pour un CDI. À table, les enfants. Regardez le délicieux steak que je vous ai préparé. Oh, merci, papa. Police! Pas un geste. Restez où vous êtes. De la viande. Regardez ça, Suzuki. Pris en flagrant délit. S'il vous plaît, monsieur l'agent. C'est notre propre vache que nous avons... Ça m'est égal. Mais les enfants adorent ça. M'en fous. Embarquez-moi tout ça. Et puis, c'est tellement bon. Déguisé en scientifique, j'ai introduit une directive frauduleuse dans l'ordinateur central de l'inspection de l'hygiène alimentaire. Et depuis, la consommation de viande a été totalement bannie de la ville. Adieu, bonne protéine animale. Bientôt, tous les habitants deviendront faméliques. Allez, mange ta salade. C'est pas bon. Mange, c'est tout ce qui nous reste. Quand tous les habitants se seront transformés en légumes, ils passeront sous mon contrôle. Et alors, la ville sera à moi. Qu'est-ce que... C'était compté sans... Super Condor, la rose rampante. J'aurais dû me douter que c'était toi. Vous incarnez Super Condor, l'oiseau de proie venu du ciel. Armé de vos serres d'acier et de votre vision bionique, vous luttez contre le mal partout où il sévit dans le monde. Halte là, la rose rampante! Je ne te laisserai pas mettre à exécution ton plan diabolique. Des bons vivants, tu ne feras pas souffrir cette population de malnutrition. Alors ? Tellement instructif. Le poulet qui se prend pour un aigle. On pensait que c'était important que vous voyiez les dernières images du rêve du roi du poulet, de Monsieur Lopez. La dernière fois dans la Warp Zone, vous nous avez décrit un abattoir. On s'est renseigné. Lopez possède bien un abattoir. Voilà le plan. Son bureau est ici, et vous, vous deviez être par là, dans les sous-sols. Mémorisez bien ce plan. Une fois à l'intérieur, vous vous dirigerez directement vers son bureau. Avec un peu de chance, il y sera. On n'a pas d'autre piste, de toute façon. Service, tout ça. Ah, mais je vois qu'elle est arrivée. Venez, Je vais vous présenter Madame Lopez. Discutez un peu avec elle. Essayez de récolter un maximum d'informations sur son mari. On sait jamais, ça pourra vous servir là-bas. Mais je sais pas quoi lui dire, moi, à cette dame. Mais vous savez, je suis pas très douée pour la conversation. Vous inquiétez pas, elle parle pour deux. Aiguillez-la un peu et elle démarrera au quart de tour. Le voilà, votre sauveur. Ay, por fin. Ay, mi salvador. Oui, comment t'es esperado. Bonjour, jeune homme. Oh, mais vous devez avoir le même âge que mon fils. Il est dans les assurances. Je vous laisse. Qu'on est marié, mon mari et moi. 27 ans qu'on s'engueule. Alors vous savez, quand il a disparu la semaine dernière, au début je me suis dit, bon débarras. Et puis après je me suis dit, non. Le jour où Amanda Lopez voudra quitter son mari, c'est elle qui le décidera. Pas lui. Pour aller où? Je vous le demande. Dans une barzone. Pero que c'est ça? Que hijo de puta. Seguro que hay hijo de esporay, non? Qu'est-ce que c'est, cette barzone? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des petites jeunes là-bas? Alors je les ai appelés à la Dream Station. Je leur ai dit que ça ne pouvait pas se passer comme ça, qu'ils devaient me ramener mon mari. Ya está. Está aquí. Bon, voilà. Vous savez, quand Amanda Lopez veut quelque chose, non, je ne pourrais plus vivre sans mon mari. Plus maintenant, plus après 27 ans. Vous savez, il m'a fallu tout ce temps-là pour lui forger cet homme-là, pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, le roi du poulet. Vous en avez entendu parler? Non, j'aurais plus la patience de recommencer avec un autre. Oui, le roi du poulet, c'est un drôle de nom, ça, non? Il avait un abattoir à lui, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un nom pareil? Il a dû avoir un sacré parcours. Comment vous l'avez aidé? Je sais ce que vous voulez. Je sais pourquoi il vous envoie. Ce n'est pas moi qui vous intéresse, ni lui. Tout ce que vous voulez, c'est me tirer les berres du nez. Ça vous embêterait, hein, qu'il y reste. Ça ne ferait pas très joli, joli. Vaya mierda que todo esto. Je vais vous donner ce que vous voulez. Je vais vous dire qui il est vraiment, mon mari. Mon mari est un artiste, un génie. Non, c'est sérieux, jeune homme. Vraiment. Il a été sculpteur dans sa jeunesse. Il avait des idées. Des idées. Il a fait des études de biologie moléculaire. Il a percé à jour les secrets des taches sur la peau des vaches. Vous n'imaginez pas les applications dans la vie quotidienne que ça aurait pu avoir. On aurait pu écrire ce qu'on voulait en tache sur la peau d'une vache, comme sur un t-shirt ou un sticker. Mais il n'a jamais su se vendre. Ça n'a rien donné. Ça, c'était avant qu'on se connaisse. Quand je l'ai connu, il travaillait dans cet élevage des poulets en batterie pour gagner sa vie. Et les soirées, il sculptait. Je lui ai dit que tu perds ton temps avec la sculpture. Ces ringards, ça n'intéresse personne. Pourquoi tu ne fais pas avec ce que tu as sous la main? Il n'avait pas le sens pratique, vous comprenez? Les poulets, la biologie, la sculpture, sculptent le vivant. Et il l'a fait. Ça a pris des années, mais il l'a fait. Il s'est passionné pour la reproduction des poulets. Il a lu des livres. La maison est en horreur. Des plumes partout, ça jacassait dans tous les coins. Mais il a fini par y arriver. Les poulets fit, vous connaissez? C'est lui. C'est sa race. Ils en ont parlé à la télé. Les poulets fit! Les poulets fit! Les premiers poulets universels! Qu'est-ce que vous en pensez du slogan? C'est moi qui l'ai trouvé. Ah. Et qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, que le poulet n'avait aucun goût. Comme du tofu. On nourrissait le poulet avec du chocolat, il avait les goûts de chocolat. Avec du poisson, il avait les goûts du poisson. Il y a des gens qui en étaient dingues. Ça a beaucoup marché au début. C'est comme ça qu'il a pu se payer l'abattoir. On l'avait fait construire à l'autre bout du terrain, au début spécialisé dans les poulets de luxe. Ensuite, spécialisé dans la viande de luxe. Maintenant, spécialisé dans la viande tout court. C'est-à-dire pas spécialisé du tout. Et siempre te hablan de propaganda vegetariana comme si no hubiera nada de comer, que la carne ya no existe. La viande en ce moment, le roi du poulet. Vous allez me les ramener ? Madame Lopez, si je rencontre votre mari là-bas, oui. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous le ramener. Et s'il y a des petites jeunes là-bas, je le connais, il ne voudra pas revenir. Non, je suis sûr que... Non ! Je dois trouver quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait... Ah, Yarista, dites-lui. Dites-lui que son fils est là, qu'il est revenu exprès pour lui, qu'il est à son chevet en ce moment. Ça le motivera à revenir. Ils sont brouillés, vous savez. Et votre fils, il va venir ? Mon cher monsieur, mon fils ne viendra pas sous aucun prétexte. Même si son père était sur son lit de mort, je le connais. Mais ce n'est pas ça que vous lui direz. Vous lui direz que son fils est là, qu'il est bénou, qu'il l'attend. Parlez ? Vous croyez qu'il nous enregistre là ? Quelle heure il est ? Bon, je crois que je vais aller non, chercher... Non, attendez. Il y a des gens qui sont venus pour lui, ailleurs. Ils m'ont donné ça. Pour accorder les deux mondes qu'ils disent. Ces gens-là, ils croient en lui. Ils disent que c'est un santo. Vous y croyez, vous ? Moi, je le connais, mon mari. Ce n'est pas un saint. Dites-lui. Dites-lui à ces hijos de la grande puta de me ramener au moins un miracle de là-bas. Madame Lopez, on vous enlève votre héros. Il doit aller chercher votre mari maintenant. De verdad ? Au revoir, madame. Mete con Dios. L'équipe médicale vous attend. Nous allons faire le maximum pour votre mari. C'est vous, c'est promis. Nous avons vraiment votre histoire de partage. Installez-vous. Alors, vraiment, depuis la dernière fois, qui était votre première fois, on a récolté toutes vos données et on est très confiants. Ça va bien se passer, cette opération en rêve profond. Mais qu'est-ce que je dois vous dire ? Prévenons Gisèle. Oui. On va vous mettre un calmant, hein, pour que vous ne soyez pas désorienté comme la dernière fois. Vous vous souvenez ? Cette odeur ! Enlevez-moi cette odeur ! C'est pas l'odeur, c'est la couleur de cet individu ! Son odeur intérieure, là ! Qui est insupportable ! Vous la connaissez maintenant, hein, l'odeur intérieure de M. Lopez. Bah oui. En parlant de M. Lopez, je l'amène. Affirmatif. Où est-ce que j'ai mis ma fille ? C'est qui tous ces gens dans la pièce ? Ça, ce sont les 12. On a décidé de les regrouper ici. C'est pratique pour les examens. Et puis on sait jamais. Quand vous aurez fini avec Lopez, il restera toujours les 11 autres à ramener. Et voilà votre camarade. Merci, Philippe. Alors. Oui. En plus du pronogisole, on va vous mettre un peu de tonidrine contre la somnolence. Non, mais. Pronogisole, tonidrine. Trouver un équilibre entre les deux, c'est pas évident, je peux vous le garantir. Ah oui. Donc on part sur un voyage de maximum 24 heures, ok ? Plus ce sera dangereux. La consigne ? On ne s'endort pas. Oh que non. Je veux dire, bien sûr dans la réalité vous serez endormi, mais ne vous endormez pas dans le rêve, compris ? D'accord. Vous avez déjà vu comment c'est compliqué d'aller chercher un rêveur dans son rêve, alors d'aller chercher un rêveur endormi dans le rêve d'un autre. Dès que vous serez endormi, on va vous ajouter deux applications qui nous ont semblé utiles. Un traducteur automatique, au cas où Lopez rêve en espagnol. Vous ne devriez pas vous en rendre compte, c'est fluide et onirique, mais... Si jamais il y a des tournures de phrases bizarres, c'est peut-être juste le traducteur. Et, ah oui, la direction a insisté pour qu'on vous installe une arme. Donc, comment ça marche ? Vous pointez le doigt dans une direction et vous dites « mon Dieu, je vais être en retard ». C'est une phrase d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un peu leur marotte, Alice, dans le service. Vous devriez tirer l'équivalent d'une décharge de 22 longs rifles. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. C'est tout ? Bah, je crois qu'on est bon. Je peux vous poser une question ? Oui. Bien sûr. Est-ce que je peux changer d'avatar? Non, parce que le précédent, je me sentais pas très bien dedans et c'est pas moi qui l'avais choisi. Ah, pas de problème, vous voulez quoi? Attendez, on va aller à la page d'accueil. Choix de votre super-héros. Catégorie Grand Est. Dernier personnage choisi, Soviet Boy. Personnage suivant, Super Président. Non. Personnage suivant, Pussy Riot Girl. Ouais, et à côté, c'est qui? Personnage suivant, Loup Blanc, chaman sibérien au pouvoir surnaturel, capable de communiquer avec le royaume des morts. Ah, celui-là, c'est bien. Évidemment. Loup Blanc, sélectionné. C'est celui que j'avais pris, moi, sur la première simulation. Bien, on est prêt? Ok. L'abattoir, troisième à gauche, montée de l'escalier de service, frappée à la deuxième porte à droite, ok. Ok, on peut y aller. Confiant. On y va. C'est presque la routine pour vous maintenant. C'est bon pour le câble? C'est bon. Bon voyage, monsieur Delforge. Bon voyage. I wake en mode sommeil. Anne de cœur, il y a un problème. Je suis pas du tout dans l'abattoir. Je suis à l'arrière d'une voiture en marche. Et... oh putain, il y a personne au volant. Merde. La ceinture, comment ça s'enlève ce truc? J'arrive pas à attraper le volant. Aïe. No toques. Aïe. Traducteur activé. Le volant d'une voiture automatique, ticon. Nous arrivons à destination dans 27 minutes. Par mesure de sécurité, souhaitez-vous que je diminue la vitesse de croisière? Non, Christian. C'est bon. Bon, maintenant tu te tiens tranquille. Hein. Je veux plus t'entendre jusqu'à ce qu'on soit arrivé chez Tata Gilbert, t'as compris? Le pilote automatique. Allô, reine de cœur. Allez-y, Loup Blanc. Cette voiture, elle est bizarre. Elle est énorme, tout est énorme. La banquette, le volant. Même l'homme sur le siège passager, c'est un géant. J'ai jamais vu ça. Je sais pas, debout, il doit faire au moins 3 mètres. Je m'étonne qu'elle fasse mal, ces claques. Bon, Fitz, tu te souviens de ce qu'on a dit? C'est sûr, à un moment, Tata Gilbert, elle va te poser des questions. Ok? Je suis Tata Gilbert. Mais mon petit fils Gérald, je me demande, qu'est-ce que vous pouvez bien manger à la maison? Qu'est-ce que tu réponds? Je vais essayer de lui parler. Ok, monsieur, je... c'est un peu difficile d'expliquer comment je suis arrivé là, mais... en fait, on ne se connaît pas. Et c'est pas parce que je suis assis sur le siège arrière de cette voiture... ce qui attention, pourrait ressembler à une sorte de grand siège pour enfants. Ça dure de merde. Je sais ce que vous allez dire. Qu'à votre échelle, cette voiture paraît de taille normale. Et que c'est moi qui suis petit. Mais non, non. Je suis bien un adulte. Et je vais vous le prouver. Ah. Allez. J'ai pas la force de l'enlever, cette ceinture. Détachez-moi, monsieur. Et je vais vous montrer que je sais conduire. Voilà. Il doit y avoir un moyen de débrayer la conduite automatique. Hey, qu'est-ce que tu fous? Tu touches pas ce volant. Lâchez-moi la putain, main. Tu veux qu'on ait un accident? Tu veux mourir, c'est ça? Ok, je touche plus au volant. Lâchez-moi la main. Ça me rend dingue, ce gosse. Il va me rendre complètement dingue. Merci. Impossible, un gosse pareil. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Remets ta ceinture. Arrivée prévue dans 23 minutes. Bon, comme j'essayais de vous le dire à l'instant, je ne suis pas votre enfant. Je suis un adulte. Je suis un envoyé de... je viens d'un autre monde. Je viens pour sauver... bon... ah, c'est vraiment compliqué à expliquer, en fait. Je peux te dire que parfois, je le regrette, c'était des grandes perches, ça... je le paye cher. Je sais pas ce qui m'a pris cet été-là. Enfin, je ne jure que ta mère. Je suis allergique à ça. Je te jure. Vous avez pas, je sais pas, une application contre ça. C'est difficile de gérer 3 chats et 2 perruches. On reprend depuis le début. Mon nom, c'est Sismo. Simonide Delforge. Et je... est-ce que vous pouvez me dire au moins où on est? Et où on va? Monsieur? Arrivée prévue dans 27 minutes. 27? Mais tout à l'heure, c'était 23. Bon, fixe. Tu te souviens de ce qu'on a dit? C'est sûr, à un moment, Tata Gilberte, elle va te poser des questions. On est déjà passé par ici. Ok. Je suis Tata Gilberte. Cet entrepôt, là, derrière les collines? Mais, mon petit fils Gérald, je me demande... Waouh. Qu'est-ce que vous pouvez bien manger à la maison? Ce sentiment de déjà-vu. Qu'est-ce que tu réponds? Attendez. Là, monsieur, quand je vous parle, vous m'entendez? Fitz, tu réponds quoi à Tata Gilberte? Il m'entend pas. Un peu, bordel. Il m'entend pas, c'est la meilleure. Attention, tu sais ce qu'on a dit si t'étais pas sage. Ok. Tu veux pas que je te confisque ton préféré quand même? J'ai un vrai problème, là. Oui? Donc, à votre avis, je suis le roi du poulet enfant, c'est ça, dans le rêve? Enfin, je suis à sa place. Oui, c'est ça. Donc si je veux que le rêve avance, il faut que je me comporte comme le roi du poulet enfant. Vous avez un rôle à jouer dans son rêve. Conformez-vous à ce rôle. À bientôt fini. Ah, il est pénible celui-là. Oui, me conformer à mon rôle, c'est ça? Ok. Bonne chance, Loublanc. Bon, je vous tiens au courant. Super. Parce que je te jure que si on arrive en retard, ton cadeau de communion, tu peux lui dire adieu, t'entends? Hein? Fitz, qu'est-ce que tu fous? Fitz, tu m'entends? J'y arrive pas! Oh, putain, c'est pas vrai, ce gosse. Bon, je t'attends, tu te dépêches. Me conformer à mon rôle. Ah, enfin. Voilà, j'arrive! Papa. Arrivée prévue dans 27 minutes. Bon, Fitz, tu te souviens de ce qu'on a dit? C'est sûr, à un moment, Tata Gilberte, elle va te poser des questions. On va pas y arriver comme ça. Ok. Je suis Tata Gilberte. C'est plutôt joli ces chants autour de l'entrepôt, en fait. Vous avez pas fait attention. Gérald, je me demande, qu'est-ce que vous pouvez bien manger à la maison? Et les nuages aussi. Qu'est-ce que tu réponds? Ah, les nuages sont hyper bien faits. Je me demande comment ils font. On voit pas du tout les pixels. Ah, ils bougent super vite, c'est incroyable. Vite. Comment on accélère? Tu réponds quoi, Tata? Ils sont rachetés ou quoi? Concentre-toi un peu, bordel. Ah non, mais c'est bon là! Tu me saoules avec Tata Gilberte maintenant! Qu'est-ce qu'on bouffe à la maison? C'est ça que tu veux savoir? Du poulet, on bouffe du poulet! À longueur de journée, voilà ce qu'on mange, c'est bon? Tu me lâches maintenant avec Tata Gilberte? Mais là, tu te fous de ma gueule, Fitz! On a répété je sais pas combien de fois. C'est pas bien de tuer les gentils animaux. C'est quand même pas compliqué, non? Non, c'est pas bien de tuer les gentils animaux, Tata! Non, ça recommence. Ouais, je sais, y a pas de viande chez ma sœur. Mais d'ailleurs, on peut faire pareil chez nous, c'est juste qu'avec ta mère, j'ai jamais pu. Bon, 15 jours à tenir, Fitz, c'est quand même pas la mort, non? Je t'avais prévenu, Fitz. Ton aigle en plastique confisqué. Ça? Allez, donne! Non. Fitz? Tu fais ce que je te dis, sinon tu vas t'en prendre une. Va te faire... Tiens! Oh le con. Oh le con, il m'a giflé. L'aigle, allez, tu me le donnes maintenant. Oh, mais quel con celui-là! Tu sais quoi, tu l'as bien mérité. Je veux ton aigle. Prends-le dans ta face! Ah, c'est vraiment efficace ces sièges pour enfants. Putain, j'ai mal partout. Oh merde, papa. Papa. Cette chose qu'on a percutée. Allô, reine de cœur? Je sais pas si vous me recevez. Blanc, 3-5 sur 5. Ok, moi je vous reçois très mal. Bon, on vient de percuter une sorte de vache. Énorme, je sais pas, elle doit faire deux fois la taille d'une vache normale. Ça fait mal? Ok, et sur un autre cas. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle est pas encore morte. Continue à décrire. J'irai tout à l'heure. Tout doux. Tout doux. Surtout, il y a son pelage. Il est mouvant. Comme les nuages tout à l'heure. Des nuages de pigments. Continuez avec papa. Putain, c'est con, mais pourquoi je suis triste comme ça? C'est même pas mon père, en plus, c'est juste un gros con. C'est pas vrai, je porte un poids sans bagnole, moi, ou quoi? Papa. Putain, ça va pas, moi. Je me sens vidé tout à coup. Complètement vidé. Allô? Reine de cœur? Appel d'urgence. Je répète, appel d'urgence. Reine de cœur, foutez-moi des amphètes ou tout ce que vous voudrez dans les veines, mais je dois pas m'endormir. Merde, il n'y a pas de réseau. Ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir. Ne pas... Reine de cœur, vous êtes là? J'espère que vous m'entendez. Moi, pas du tout. Tout doux. Alors, je suis sur le dos d'une vache, là. Une vache gigantesque avec un pelage bizarre, vous savez. Elle m'a laissé monter sur son dos. Je sais pas si vous m'avez filé un truc, mais ça va mieux. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est là que tu m'amènes? Oh là, fais attention. Tu veux que je descende, c'est ça? Attends. Voilà. Brave. Brave bête. Alors, je continue à décrire. Il y a un entrepôt, là. Les portes sont grandes ouvertes, à moitié abandonnées. Ça m'étonnerait pas que les vaches se soient échappées de là. Ça pourrait être notre abattoir. Il y a de la fumée derrière. Je vais voir. Il y a des gens autour d'un barbecue, 8 ou 9 je dirais, des femmes, des hommes, des... C'est bizarre, ils sont tous déguisés en super-héros. En même temps on dirait un peu des dieux égyptiens, corps d'homme, tête d'animal. Il y a une panthère, un babouin, un échassier, une guêpe géante, une sorte de hyène. Un aigle? Non. Un condor. C'est lui. C'est notre roi du poulet. Je m'approche. La hyène et la guêpe se sont levées. Et Super Échassier se lève aussi. C'est lui, Super Ibis. Excusez-moi, messieurs, dames. Regarde ses oreilles. Et ses mains. Je les connais bien, ses mains. Qu'est-ce que vous faites? Je me prosterne à vos pieds, votre très haut. Mais ça va pas, Wonder Guêpe. Mais tu vois bien que c'est qu'une espèce de pouilleux. Un peu de tenue, messieurs, dames. Vous oubliez qui nous sommes. Faudra en avoir le cure-dette. Vos mains. Montrez-nous vos mains. Et si c'était une ruse, venir oui, au pouilleux sûr. Pour nous éprouver. Voilà mes mains. Oh non, c'est pas lui. Oh, excusez-nous, monsieur. On vous a pris pour quelqu'un d'autre. Quoi, je pense que j'ai cru un instant et que ce type-là, c'était... Oh, ridicule, en effet. Ah, moi, j'ai tout de suite vu que c'était pas lui. Pardon, excusez-moi. Vous êtes monsieur Lopez? Lopez? Ça fait longtemps qu'on m'a plus appelé comme ça. Monsieur Lopez, je suis venu vous chercher. Mais chercher. Mais je ne vous connais pas, jeune homme, n'est-ce pas? Je suis avec mes amis. Je suis très bien ici. Je suis presque au paradis. Pourquoi je m'en irais? Là-bas. On vous attend. Là-bas. Oh! Mais vous n'êtes pas de cette entreprise, par hasard? Si. Mais vous auriez dû le dire tout de suite. Chers amis, écoutez-moi. Je vous présente un représentant de... comment ça s'appelait déjà? Dream Station. Oui, de Dream Station. Dream Station? Hein? Oh, peu importe. Je vous l'enlève. Venez. Venez, je vais vous faire visiter l'abattoir. Visiter? Non, monsieur Lopez, là, nous n'avons pas le temps. Il vaut mieux que je vous ramène d'abord. Ils sont si pressés? Oh, très bien. Mais non. Je ne partirai pas d'ici sans vous avoir montré quelque chose. Venez. Exactement. Et il y a du monde dans la cave? Tout dépend si c'est d'humain que vous parlez. Une petite fille? Pardon? Il n'y aurait pas une petite fille au sous-sol? Peut-être amenée par l'un de vos amis? Vous avez vu une petite fille, vous? Quand ça? L'autre fois. Je suis déjà venu ici. Ici? Oui. Dans les sous-sols, en repérage. Eh bien, dis donc. Vous et votre entreprise, vous faites bien les choses. Par ici. Alors, vous l'avez déjà vue? La petite fille? Non, mon invention. Non, je crois pas. Bon, eh bien, je vais vous la montrer. Mieux que ce soit moi qui vous la présente, de toute façon. Viande éternelle. La viande éternelle? C'est votre femme qui a trouvé le nom, je parie. Et vous le riez ou quoi? Ma femme. Et puis quoi encore? Elle n'y connaît rien en zootechnie. Bon, et donc, c'est quoi? Essayer de la viande sans organes. Pas besoin de nourriture, bah, au sens traditionnel. On la nourrit juste comme ça. À la seringue. Pas besoin de mâles reproducteurs non plus. Elle se auto-régénère. Et là... Qu'est-ce qu'ils ont, ces poulets? Oh, ils sont malades ou quoi? Non, ceux-là, ils sont pas très réussis. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Les poulets éternels. Oui, bon. On dirait un poulet normal. Regardez mes doigts. C'est quoi? Vous pouvez me passer les couteaux, là? Qu'est-ce que... Oh. Et voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai prélevé un morceau des cuisses. Avec deux ou trois morceaux comme ça, on fait tout un repas, d'accord? Vous voulez goûter? Comme ça, cru, non merci. Non, vous avez tort. On connaît mal le tartare de poulet avec un peu de poivre du moulin. et un jaune d'œuf bien frais, c'est délicieux. Venez, là, celui-là. Ah, allez-y, allez-y, prenez-le. Il ne vous mordra pas. Voilà, regardez sa cuisse. Oui, oui, il a perdu des plumes, il a une cicatrice, mais sa cuisse a l'air intacte sinon. J'ai prélevé un morceau hier. Il l'a repoussé dans la nuit. Vous comprenez maintenant ? Avec trois poulets comme ça, trois morceaux de cuisses, ça vous fait un ration de viande par la louche par jour. Avec un poulailler, vous nourrissez toute une famille. Ça marche avec les poulets. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec les autres animaux. Imaginez un peu avec une vache. Fini la faim dans le monde. Quant aux applications médicales sur les êtres humains, ça, je vous laisse imaginer. C'est votre domaine. Mon domaine ? Mais je ne suis pas médecin. Mes compagnes, à la rigueur. 2 millions. 2 millions quoi ? Ben les brevets. Je vous les vends pour 2 millions. Ah non, mais je suis pas venu là pour... Bon, on doit y aller maintenant. Non. Vous préférez investir. Vous me laissez la main, vous touchez les bénéfices. Bien. 400 000 alors. J'ai tout calculé. Avec 400 000, je devrais pouvoir m'en sortir. Écoutez, monsieur Lopez, il faut que je vous confie un secret. Tout ça, là, tout ce qui est autour de vous, ça n'existe pas. Vous êtes dans un rêve. Je vous ramène dans la réalité. Votre famille vous attend. Vous dites... un rêve. Oui. Vous voulez dire... mes poulets, l'abattoir, mes amis. Un rêve. Exactement. Je ne suis pas d'accord avec vous, jeune homme. Tout dépend du point de vue que vous adoptez. C'est vous, plutôt, qui me fait l'effet d'un rêve. Réfléchissez. De la viande universelle. Des vaches à pelage camouflage anti-voiture autonome. Comme j'en ai vu tout à l'heure. Vous avez vraiment l'impression que ça répond aux lois de la nature, ça ? Et puis je le sais, je suis actuellement connecté à vous par un câble USB dans un laboratoire. Je suis dans votre rêve. Et c'est ça que vous appelez obéir aux lois de la nature. Vous y croyez, à votre prétendue réalité ? Mais c'est pas une question de croire. Pourquoi je discute avec vous, moi ? Bon, écoutez, monsieur Lopez, restez ici si ça vous chante, moi je vous laisse. Bon, alors ? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas me l'acheter, ces brevets ? Petite fille ? Petite fille, c'est toi ? Attends ! Merde. Reine de cœur, vous m'entendez ? Reine de cœur. Reine de cœur. Foutu réseau. Ah, vous avez changé d'avis finalement, hein ? Je vous l'avais dit qu'il le fait, hein ? Jamais baisser les prix. Exactement. Votre offre. Alors, c'est combien ? Monsieur Lopez, je peux vous parler 5 minutes ? Excusez-moi, mais je crois que ce monsieur a une proposition. Monsieur Lopez, écoutez-moi. Le monde dans lequel vous vivez vous est peut-être agréable. Mais je suis sûr qu'au fond, vous savez très bien que ce n'est pas le monde réel. Dans le monde réel, il y a votre femme, Amanda. Elle a fait des pieds et des mains pour que vous reveniez. C'est elle qui m'envoie. Amanda. Et votre fils ? Pablo. Oui, Pablo. Il est là, Pablo. À votre chevet. En ce moment même. Si vous venez avec moi, il sera juste à côté de vous quand vous vous réveillerez. Tout est arrangé. Il vous a pardonné. Il est revenu exprès pour vous. Pape. Mon fils. Alors, vous me croyez maintenant? Vous me suivez? Alors j'abandonne mes rêves, mon entreprise, ma vie universelle, c'est ça? Vous? Non. Nous partons tout de suite? C'est ça. Pablo, Pablo. Annoncez. On va passer par l'arrière, je ne veux pas que les autres me voient. D'accord. Ça serait une trahison, vous comprenez? Ok, j'ai trouvé le roi du poulet. Je fais quoi maintenant? C'est bien. Allô? C'est bien, c'est là qu'on est bien. Je vous reçois vraiment mal. Reine de cœur. Mon père, il est mort dans un accident de... Reine de cœur. De voiture. Après ça, je n'ai jamais plus voulu prendre une voiture. Bon. Comment on va sortir d'ici, nous? On va prendre le train de 8h03. Pardon? Le train de 8h03. Il nous sortira d'ici. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Chaque personne ici a sa porte de sortie. Et nous sommes 12 exactement à y être entrés. Les 12? Vous les connaissez? Bien sûr que je les connais. Vous avez vu la plupart d'entre eux au barbecue tout à l'heure. Les autres étaient censés nous rejoindre ce soir à la réunion loto. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous ici de notre plein gré. Chacun ici connaît sa porte de sortie. Nous sommes libres de sortir quand nous voulons. Moi, ma porte, c'est le train de 8h03. C'est celui que je prenais gamin. Le voilà qui arrive. Vous êtes sûr que c'est le bon? L'horloge là-bas indique 8h11. De ma vie, je crois que je n'ai jamais vu le train de 8h03 arriver à 8h03. Allez-y. Montez. C'est merguez au barbecue. Je ne sais pas, elle ne devait pas être très fraîche. Hein. C'est ce qu'il y a de plus important. La fraîcheur avec la viande. Il s'arrête encore. Un vrai omnibus. Personne ne monte, personne ne descend. J'ai vu personne dans le train. Si ça se trouve, on est les seuls. C'est bien possible. C'est beau la mer depuis le train. J'ai toujours trouvé ça beau. Et vous savez dans combien de temps on arrive? Aucune idée. Ah, ça y est, il redémarre. Faire une petite sieste, allez-y, ne vous gênez pas. Vous avez tout de la place sur la banquette, ça ne me dérange pas. Non, merci. Non, je vais essayer de rester éveillé. Ah. Dans votre assiette? Non. On sait rien. Juste ces merguezes. Et puis c'est bête, mais je m'en veux un peu d'avoir laissé mes amis comme ça. Ils doivent se demander où je suis en ce moment. La réunion loto ce soir, c'était vraiment une réunion importante. Je vais être le seul. Non, mais vous n'y penserez plus tout à l'heure quand vous serez avec votre fils. Sans doute, sans doute. Et en même temps, c'est ce soir qu'il devait venir à notre réunion. Qui ça? Dieu. Il nous a promis. Dieu. On devait se rencontrer, enfin. depuis le temps. Et Dieu, vous y croyez, vous? C'est bien plus qu'une question de croyance. C'est une question de responsabilité. Je suis pas sûr de comprendre. Moi, par exemple, j'étais responsable de son pied droit. Un mignon petit pied droit. Je le vois déjà boiter quand j'aurais quitté le rêve. Faut pas que je pense à ça. Pablo. Il faut que je pense à Pablo. Vous savez, les enfants? Non. J'avais un père. Avant. Il est mort. Pour moi, il est mort. Il vit dans une résidence médicalisée. On se parle plus. Ah. Je l'adorais, mon père. Qu'est-ce que je l'ai aimé? Pas très causant, mais j'adorais jouer avec lui. Être sur son dos, se balader dans la forêt, rester des heures immobile dans une cabane de chasseurs avec des jumelles à attendre qu'un cerf passe. Et alors? Quand j'avais 10 ans, mon père s'est converti. Enfin, on était baptisé dans la famille. Pas trop croyant. Catholique. Et mon père s'est converti à une de ces sectes protestantes, vous savez, des pentecôtistes. J'ai jamais su pourquoi. Du jour au lendemain, tout est devenu interdit. Il fallait respecter sa parole à la lettre. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à le haïr. Dieu, avant, je m'en foutais. C'était juste un idéal abstrait, je sais pas, comme un justicier dans le ciel qui rééquilibrait un peu la misère du monde. Mais à partir du moment où mon père a fait entrer Dieu dans la maison, j'ai commencé à le haïr. Dieu, je veux dire. Viscéralement. Si vous l'aviez présenté à moi, là, Dieu, je lui aurais fracassé le crâne. Toutes les nuits, je me voyais le faire. Oui, avec une clé de 30 que je gardais précieusement sous mon lit pour cette occasion. Je suis devenu horrible avec mon père. J'ai fait toutes les conneries imaginables. J'ai essayé de le toucher, vous comprenez ? Au plus profond de lui. De faire revenir celui qu'il était avant. Ça le mettait hors de lui. Et il s'est muré dans ses principes, dans son silence. Je comprendrai jamais mon père. Ce qu'il est devenu, son foutu Dieu. Dieu, c'est simple. C'est celui qui m'a volé mon père. Je lui pardonnerai jamais. C'est quelque chose, hein, fils. Pas toujours évident. Moi, mon fils, quand il est né, ça a tout de suite été très fort. Ah, j'ai l'aimé terriblement. Je l'aimais tellement que j'aurais pu le, vous savez, le dévorer. Comme dans les contes. L'ogre. Je sentais que ça aurait pu être moi. Vous n'avez qu'à regarder les photos. À 6 mois. À 7 ans. À 12 ans. On est les mêmes. Là, je veux dire, exactement. Génétiquement les mêmes. Comme si j'avais un jument, mais décalé d'une génération. Tout le monde s'est rendu compte, je crois, mais personne n'osait rien dire. Ça aurait été terrible de le dire. Moi, ça m'a fait peur. Alors j'ai caché cet amour. J'avais peur que ça le dévore. Après tout, je savais tout de lui. Tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il allait vivre. Alors je me suis retiré. Je me suis retiré en moi. J'étais toujours là, mais j'y étais plus vraiment. Je le laissais vivre, grandir, tout seul. Là, à côté de moi, mais tout seul. Quand il tombait, j'avais mal, moi aussi, mais je le laissais se relever. Tout seul. Il fallait qu'il apprenne. La consolation. Il fallait qu'il la trouve par lui-même. Je le regardais. Pétrifié. Et je l'aimais. Oui. Je l'aimais. J'étais hagard d'amour. Hagard de ce que je pouvais éprouver pour lui. Je ne l'ai pas touché, non. Ça, non. Je ne l'ai jamais touché. Il me l'a reproché plus tard. Il a eu des mots très durs. Je crois qu'il a toujours cru que j'étais indifférent. Il m'a toujours trouvé distant et froid. Mais j'étais distant, oui. Mais j'étais obligé. Vous comprenez? Pour contrer cet amour trop fort en moi. Pour qu'il puisse grandir, pousser. Sans que je lui fasse de l'ombre. Je lui ai laissé la place. Toute la place. Alors, quand il y a un sentiment comme ça qui s'empare de vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'écarte. On fait un pas de côté. On laisse passer les vivants. On laisse passer la vie. Voilà. Ben, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je ne l'ai jamais dit. Eh bien, je ne l'ai jamais dit à personne. Dites, si vous les voyez tout à l'heure, hein. Non, je veux dire, si je n'ai pas le courage de lui dire tout ce que je viens de vous dire, vous lui direz? Vous inquiétez pas, il sera là tout à l'heure. Et maintenant que vous vous êtes confié à moi, je suis sûr que vous trouverez les mots pour le lui dire. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai un peu... Encore ces merguez. Je dois aller. Je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors, ce con? Vous lui direz, hein? Mais remontez! Le train va... Vous lui direz, n'est-ce pas? Revenez! Putain, comment ça s'ouvre, ce truc? Mais revenez! Revenez! N'oubliez mais pas. Voyez bien que le train... Le train est en train... Comment ça marche? En cas d'urgence, briser la glace et tirer le poignet. Toi, putain! Je suis pas dans la merde, moi, si le roi des poulets disparaît. Le train de 8h. Monsieur Lopez, attendez! Une vie meilleure, les abattoirs, va partir. On va prendre ce con. La fermeture des portes est imminente. Attention au départ. Monsieur Lopez, attendez. Revenez. Monsieur Lopez. On est libéré. Monsieur Lopez. Attendez. « Bon, on est venu par là, donc si je suis les rails, je finirai bien par retomber sur les abattoirs. Allez. Ah merde, il y a un embranchement. Bon alors, on est venu de la droite ou de la gauche? La droite, je crois. C'est par ce tunnel à l'aller. Oh! Oh! Oh! On n'y voit rien là-dedans. Y a quelqu'un? Toi, petite fille, t'as une lampe à ce que je vois. On va marcher un peu ensemble, hein. Tu vas éclairer notre chemin. Non, attrape-moi. Ouais. Là, je suis à la maison. C'est à la porte de la maison, ça. Une issue de secours ? De ta maison, Simon. Tu connais mon nom ? C'est ici que tu trouveras ce que tu cherches. Ah oui ? Le roi du poulet là-dedans ? Pas du tout. Ce que tu cherches vraiment. Bon, petite fille, une autre fois. Moi, je dois suivre les rails. Au revoir. Si je perds ta trace au roi du poulet... Bon pour m'éjecter. Qu'est-ce que c'est, cette lumière là-bas? Oh putain, un train! Interrupteur quelque part. Ariane, qu'est-ce que tu fous là ? Je travaille. Ah bon ? C'est quoi ici ? C'est ton labo ? Je savais pas que c'était ici. Je peux voir ce que tu fais ? Oh. Tu sais que dans notre corps, il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules ? Oui, je crois que tu m'as déjà dit ça. Tu sais aussi que les bactéries de notre estomac déterminent en grande partie notre personnalité. Oui, ça me rappelle quelque chose aussi. Ben, tu vois, ma théorie, c'est que l'intelligence, le langage, vient des bactéries. J'essaie de vérifier ça en inoculant ces bactéries-là à ce poulet. Ouvre le bec, toi. Voilà. Et pour l'instant, les résultats sont pas très concluants. Ah. Tiens, tu pourrais aller me chercher une autre boîte à côté, s'il te plaît ? Il y en a plein de frigo. Pas de problème, chef. Allez. Parle, toi. Aristide ? Mais qu'est-ce que tu fous là, Frangin ? Bah, je mange. Ça se voit pas ? Je me suis levé en pleine nuit, j'avais une de ces dalles, moi. Bah, je croyais que t'étais mort. Bah ouais. Et alors ? Si tu crois que c'est ça qui va m'empêcher de faire honneur à cette délicieuse cancoyote là. Mais fais gaffe, t'es pas en train de bouffer les bactéries d'Ariane au moins. Elle a dit qu'il y en avait plein dans le frigo. C'est sûr que vu sa gueule à ce frometon, ça doit être une sacrée bombe bactériologique. Tiens, goûte-moi ça. Non, c'est bon, vas-y, dégage avec ta cuillère là. Je veux pas manger dans la cuillère d'un mort. Vas-y, c'est bon, t'es con toi ou quoi? Vas-y, mange-toi. Tiens, ça te fera du bien. Il paraît que ça rend intelligent les bactéries. Arrête. Non mais sérieusement, Harry, tu m'en veux pas trop pour l'accident? L'accident? Non, non, t'y es pour rien. Et puis c'est du passé, de toute façon. Ah bon? Ouais, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Hé, attends. Si t'es là et que t'es mort, tu crois que ça veut dire que moi aussi je suis mort? Je sais pas. Peut-être que t'es juste en train de rêver? Non, c'est pas possible. Je me suis pas endormi dans le rêve de Lopez, j'ai fait hyper gaffe. C'est vachement bon. T'es sûr que tu veux pas goûter? Vous devriez pas être là, Ryan et toi. Il m'avait promis pas de membre de ma famille. Bah là, c'est raté, hein. Écoute qui est derrière la porte. Tiens, tiens-moi ça 2 secondes, tu veux? La Bible? Ah non, non, mais moi, je écoute, peux pas. Ça prend juste 2 secondes, ça va quand même pas te brûler les mains. Attends, viens ici, toi, viens ici. Doucement, doucement, doucement. Voilà, Amos 5, 21. Vas-y, la petite, attends, là. Amos 5, 21. Voilà. Ben, vas-y, lis. Non, mais je t'ai dit, je peux pas lire ce truc, moi. Enfin, tu vois bien que j'ai les deux mains occupées, si c'est bon, s'il te plaît, juste 2 secondes. Cote, cote, cote. Cote, cote, cote. Cote, cote, cote, cote. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour toi. Mais pour elle, ça a du sens. C'est pas facile à évangéliser une poule. L'âme, c'est surtout leur mémoire. Elles ont la foi un jour, et puis le lendemain, elles ont tout oublié. Faut tout recommencer. Viens ici. Vas-y, vas-y. Ah. Voilà. Là-bas, c'est là. C'est une infidèle. Infidèle. Oui, toi, infidèle. Ça se voit dans ses yeux. Pardon. Une urgence, là. Tu peux m'aider? Bien sûr. Attends, papa, fais-moi ça. Oui, j'ai encore besoin de toi. Qu'est-ce que je peux faire? Me dégager le chemin pour le brancard. Les poules, là. J'ai les poules. Merci. Tu viens dans la porte? Puis 5 ans. Cet homme que vous transportez là, j'ai l'impression de le connaître. Ah oui? C'est bien possible. Est-ce qu'il a, il est mort? Je dirais plutôt qu'il dort profondément. On va le mettre là. Vous le connaissez? Mais on dirait moi. Vous? Laissez-moi voir. Ah oh, bah oui, en effet. Bon, bah il ne reste plus qu'à réveiller ce jeune homme. Vous, réveillez. Vous voyez ce poulet? C'est un poulet intelligent. Nous allons le brancher sur ce jeune homme. Vous. Hector, très bien. Ça va pas mal. C'est juste un câble USB. Si, si. Qu'est-ce que c'est que ça? Câble USB médical à sens unique. Parfaitement éteint. Faut que je me tire de là. Merde, le code d'éjection. C'était quoi déjà? Vous comprenez? Si on avait une connexion à double sens, ça crèverait. J'ai un rêve bien curieux. Oh, j'ai fait un rêve bien curieux. Oh, j'ai fait un rêve bien curieux. Non, c'était pas ça. Je peux vous dire qu'un larcène cérébral, c'est pas joli joli sur les neurones. Songe. Songe. Songe. Oui, oui, oui, c'est ça. Oh, j'ai fait. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Merde, ça marche pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il ne veut pas se prendre la tête contre le plafond en s'éjectant, il faut qu'il prenne l'échelle de secours. Oui, l'échelle de secours. De là, moi, maintenant. Je vais pas finir ma vie dans le rêve de ce connard de roi du poulet. C'est l'enfer ici. J'en ai marre de toute cette viande, Cette odeur intérieure de... Le train de 8h03. Qu'est-ce qu'il disait déjà le roi du poulet? On a tous une porte de sortie. Et moi, c'est quoi ma porte de sortie? Je suis déjà sorti. C'est même pour ça qu'ils m'ont engagé. Je suis où ici? Le port de Saint-Martin. La petite plage juste à côté du port. Je l'ai retrouvée. Et si c'était ça ma porte de sortie? J'espère que je fais pas une connerie. Je vais vous décrire ce que je vois. Je suis assis dans un jardin, il fait beau, il y a plein de monde, c'est une sorte de fête avec une grande table, il y a à manger et à boire dessus. Mais je connais cet endroit. Reine de cœur, les gens me regardent bizarrement. On dirait qu'ils entendent ce que je vous dis. C'est pas normal. Je vais demander à l'infirmier. Excusez-moi, monsieur. Je suis où, là? Eh ben alors... Non, on est dans quel niveau du rêve? Et vous arrivez à parler, en plus? Ça vous fait mal, là, si j'appuie sur les cordes vocales? Non. Non? Ah, vous êtes un sacré numéro, vous, hein. Je veux dire que vous avez bien choisi votre jour. Bon, attendez, je vais chercher quelqu'un de votre famille. Excusez-moi, vous êtes attendu ici? Il a parlé. Oh, non, c'est pas vrai. J'arrive. Préviens sa mère? Non, ma sœur, elle n'est pas en état, là, avec les préparatifs, tout ça. Je vais m'en occuper. Alors, Simon, comment tu te sens? Templier? Qu'est-ce que tu fais? Reine de cœur, c'est le bordel, il y a un membre de ma famille. Aïe, ça n'a pas l'air d'être encore... Vous étiez censé me sortir de là, Reine de cœur? Et vous lui avez donné ses médicaments? Il faut que je trouve ma porte de sortie. Où est Saint-Martin? Je veux dire, le port, il n'est pas loin? Il faut absolument... Mais non, calme-toi. Non, mais laissez-moi. Simon, calme-toi. Ne bouge pas. Tout va bien. Il est tombé en essayant de... Mes jambes. Aidez-moi à le remettre dans le fauteuil. Vous n'êtes pas raisonnable. Allez. Reine de cœur, je suis handicapé dans ce rêve. J'ai perdu mes jambes. Simon, du calme. Je suis enfermé dans un rêve de rêve de rêve. Jusqu'à la mort. Jusqu'à l'anéantissement total de mon cerveau. Jusqu'à... Aïe. Mais qu'est-ce que tu fous, Templiane? Je te pince. Tu vois, ça fait mal, c'est le réel. Mais c'était pas dans un rêve. Simon, écoute-moi. Tu t'es réveillé il y a 2 semaines. Enfin, ton corps s'est réveillé. Mais ta tête, c'est plus lent. Tu ne parlais pas encore. Mais maintenant, ça y est, on dirait. T'es de retour parmi nous, hein? Oh, ça va aller. Tu comprends ce que je te dis? Ouais. T'inquiète pas pour tes jambes, c'est juste que t'es resté trop longtemps dans le rêve. Ça va mettre un peu de temps. Est-ce que, avec la rééducation, on fait des miracles, n'est-ce pas? Tout à fait. La clé, c'est la patience. Il ne faut pas griller les étapes. Il y a quoi à manger, là, sur la table? Il y a de la concoyote? Je crois qu'on est en train de retrouver notre Simon. Je voulais, il y a de la tarte à la cerise. Ah oui, je veux bien. Merci. Ça va aller. Je vais m'occuper de lui, maintenant. Si. Ah, c'est bon. C'est de la vraie cerise, ça. C'est pas de la cerise numérique. Je t'amène faire un petit tour. Oh, comment on enlève le frein de ce machin? Ah, faut juste tirer ici, vous voyez? Ah, voilà. Tu reconnais? Bien sûr. J'ai joué tellement de fois ici, gamin. J'ai proposé à ta mère de le faire ici. Il y a plus de place. Donc, c'est une espèce de fête de famille, c'est ça? Mais C'est quoi qu'on fête exactement? Ah, t'es pas au courant. Non? De quoi? Ton père avait voulu ça joyeux. C'est ce qu'il a laissé dans son testament. Alors, ta mère a Attends, pensé que... Attends, t'es en train de me dire quoi, là? Ton père est mort. Jeudi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu t'es réveillé juste à temps pour son enterrement. Ça aurait été dommage que tu le rates. On n'y croyait plus. Hein. D'une certaine façon, c'est une sorte de signe de vie que tu reviennes maintenant, quand lui, il s'en va. Tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Je sais très bien que mon père et moi, ces dernières années, on n'était pas en très bons termes. Je ne sais pas. Je pense à ton pauvre père. Je me dis que ça doit être terrible tout de même de partir comme ça. Comme ça? Sans être pardonné. Oh, ça va, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir me faire culpabiliser, là? C'est de ma faute à moi si mon Mais père... Mais de quoi tu parles? Si t'as quelque chose à te faire pardonner, ça te regarde. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il est parti sans que ta mère lui pardonne. Ma mère? Mais lui pardonne quoi? Ton père, quand t'étais môme, avant sa conversion, il a trompé ta mère. Ah. Mais pas qu'un peu, je veux dire. Il l'a trompé avec tout ce qui bouge. C'était vraiment un chaud lapin. Attends, mon père? Tu parles bien de mon père, là. Matteo Delforge. Ce type genre limite puritain qui éteint la télé dès qu'il voit un décolleté. Mmh. Ah bah merde. Mais tout le monde savait. Sauf ta mère, évidemment. Et toi. Enfin, elle devait se douter de quelque chose. Alors il lui a tout dit. Ta mère lui a jamais pardonné. C'est à ce moment-là que ton père s'est tourné vers la religion. Mais jusqu'au bout, ta mère lui aura fait payer. Tu veux dire que la foi de mon père, toutes ces conneries, son prosélytisme et tout, c'était juste pour se faire pardonner ces histoires de cul? Oui, grosso modo, c'est ça. Comme ça, tu sais. Non, tu me racontes n'importe quoi, là. Ah bah, regarde, là, il y a un type habillé en super-héros. Je suis toujours dans un putain de rêve. Calme-toi. Il est où, cet infirmier? Tu peux pas parler des gens comme ça, t'es plus dans ton rêve. C'est un hyper haut dignitaire du clergé. Déjà qu'il nous fait l'honneur. Non. Tu me fais marcher. Dans mon monde, c'est pas possible un religieux déguisé en super-héros. Et qu'est-ce que tu crois? Que le monde t'a attendu? Mais... Non, mais c'est vrai, le monde, il a pas mal changé pendant ton absence. Je suis parti si longtemps? À ton avis? 3 ans. C'est long, 3 ans. D'ailleurs, tu leur as manqué à cela. Qui ça? Tu vois pas? Là-bas. Ariane? Mais c'est qui ce gamin qu'elle tient dans ses bras? Et... Putain. Il y a un mec qui la colle, là. Ne me dis pas que... Oh, putain. Elle m'a quitté pendant... que j'étais de l'autre côté... pour faire un gamin avec ce connard? Ce connard, comme tu dis, c'est Jonathan. Il est très sympa. Il te ressemble beaucoup, d'ailleurs. Il fait du ukulélé aussi. Je suis sûre que vous pourriez vous entendre. Elle l'a rencontré il y a 1 an sur Internet. Et le petit garçon, c'est Isidore. Il a 2 ans et demi. C'est ton fils. Mon? On ira les voir tout à l'heure. Alors, elle était enceinte? Isidore. Eh ben, c'est pas terrible, ça, comme prénom. Elle aurait pu faire gaffe, quand même. C'est vrai, c'est mon fils aussi. Attends, t'as entendu là? Non. Si, si, il y a quelqu'un qui m'appelle. Non, j'entends rien. Je crois que c'est... C'est Ariane. Ariane? Mais non, regarde, elle est toujours là en train de discuter avec ton oncle. Sismo, je comprends que ce soit difficile à accepter. Ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et puis les médecins nous ont prévenus. Tu risques d'être un peu confus les premiers temps. Allez, viens. Donc dans ce monde, c'est ce guignol là-bas déguisé en super-héros qui va tenir l'office à l'enterrement de mon père. Ce guignol, comme tu dis. Tu le reconnais pas? C'est... Attends. Mais c'est le roi du poulet? Monseigneur Fitzcarraldo Lopez. C'est un des 12. C'est quelqu'un de très important dans les hiérarchies de l'accordisme, tu sais. S'il nous a fait la grâce de venir, c'est en faveur des liens personnels qui, paraît-il, vous lient tous les deux. L'accordisme? Quand les 12 sont sortis du rêve, peu après que toi, tu y sois entré, ils ont raconté au monde ce qu'ils avaient vu là-bas. Et? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Dieu. Dieu? C'est n'importe quoi. Moi, je n'y étais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a fait sensation. Ce qu'ils ont dit, c'est que la Warp Zone, ce bug dans le Dreamware, a ouvert une sorte de porte. Un espace interstitiel dans nos esprits qui leur a permis de rencontrer Dieu. Et que tout le monde, en temps voulu, pourra le rencontrer en se connectant au rêve. En attendant, ce sont eux les porteurs de son message. Et on peut savoir ce que c'est, ce message ? Les saucisses sont cuites, c'est ça ? Ce message, c'est l'accordisme. Un message de paix, d'harmonie entre les hommes et entre les religions. Tous ces diapasons que tu entends en sont le symbole. Oh. On dirait presque que tu y crois. Pas spécialement, mais le message est plutôt beau. Et si ça peut apporter la paix entre les hommes... Et le costume de super-héros ? C'est le folklore. Les 12 ont rencontré Dieu en costume de super-héros. L'iconographie a gardé ça. C'est passé dans la liturgie. Ah bah si j'avais su, j'aurais jamais essayé de le sortir de là, Lopez. Quand tu étais de l'autre côté, ton père est beaucoup venu prier à ton chevet. Tu veux le voir ? Il est là ? Non. Regarde. Chers amis. Ça commence. Allez, va, je te laisse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire d'un des nôtres tragiquement disparu. Matteo Belfort. Quel que soit le culte, c'est toujours aussi tard que les discours d'enterrement. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la très grande sainteté a choisi cette occasion pour s'adresser à nous en direct depuis l'autre monde. Rachelet. C'est un poulet. Oh non, mais ne me dis pas qu'il croit à ça. Sa très grande sainteté nous fait dire qu'il s'incarne aujourd'hui en poulet d'or. Alors t'as réussi à le caser finalement, ton poulet éternel. Bravo Lopez, j'espère que tu l'as vendu à un bon prix au moins. Mais qu'il pourrait s'incarner dans n'importe quoi d'autre. En cafetière électrique, par exemple, ou en ramassette pour crottes et chiens. Chaque chose est Dieu. Même la plus modeste, ne l'oublions pas. Et à ce titre, elle mérite notre respect. Dieu dépasse notre imagination. C'est pourquoi il s'incarne en ce que nous souhaitons voir de lui. Il est à notre image. C'est-à-dire... C'est chiant. Bah, silence à la fin. Nous appelons maintenant son fils... Il s'est éveillé aujourd'hui par la grâce de Dieu à venir nous dire un mot. Mesdames et messieurs, Simoni Delfort. Non mais ne touchez pas. Oui, numéro 13 est en train de monter sur scène. Monsieur Delforge, vous avez 2 minutes chrono. Mmh. Sa très grande sainteté est attendue sur une autre chaîne. Ah. Bon, ça marche, ce truc. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous, là, aujourd'hui. Comme le temps presse, je ne dirai qu'une chose. Lui, celui que vous vénérez, qui vous est apparu aujourd'hui sous la forme d'un poulet d'or, sa grande sainteté, comme vous l'appelez, et que je pointe actuellement du doigt, il n'existe pas. Et je vais vous le prouver. Sécurité, sécurité, c'est comment c'était déjà Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, je vais être en retard. Alors Dieu, à quoi tu ressembles les tripes à l'air ? Oh. C'est bien ce que je pensais. C'est pas beau à voir. Oui ? Qui c'est qui me parle ? Il y a une voix dans la télé, c'est ça ? Loup Blanc, tu as ouvert la porte. Entre. J'entre dans la télé ?